La fauvette à tête noire par André Thuriet. La fauvette à tête noire est un de nos premiers chanteurs d'avril. Son nom seul évoque le souvenir des plus douces émotions printanières, les premières pousses vertes des lilas, la mielleuse odeur des chatons du sol, les boutons roses des pêchers en fleurs et la sonnerie des cloches de Pâques. Lorsque la leste et courte chanson de la fauvette égaye les noisetiers et les cerisiers du verger, les écoliers se disent « Voilà l'hiver passé !» Et mis soudain en humeur d'école buissonnière, ils s'en vont par bandes à travers bois, frétillant au soleil comme des lézards, cherchant des nids et se taillant des sifflets dans les branches de saule toutes humides de sève. Pour mon compte, je n'ai jamais pu entendre le chant de la fauvette sans repenser à la série de rustiques plaisirs que ce refrain de bon augure annonçait à mon enfance turbulente. Souvent, il est vrai, cette première promesse du printemps était suivie d'amères déceptions et nous étions leurrés, la fauvette et moi. « Il naît, dit le proverbe, si joli mois d'avril qui naît son chapeau de grésil. » Bien des fois, après une précoce flambée de soleil, la gelée blanche amasse de gros nuages plombés dans le ciel, les giboulées se succèdent, mêlées de neige fondante. Adieu, printemps! Il faut voir alors les fauvettes trop tôt revenues voleter d'un air consterné, ébouriffant leurs plumes et poussant des cris de détresse. Les branches n'ont pas encore assez de feuilles pour qu'elles puissent s'y abriter. Elles sont forcées de se rencogner dans un creux d'arbre ou un angle de mur, et elles se demandent avec angoisse si ce n'est pas l'hiver qui recommence. Heureusement, les beaux jours se décident à revenir pour tout de bon, et les chansons éclatent dans tous les coins du jardin. Les fauvettes s'accouplent et le mâle se met à construire le nid conjugal. La fauvette à tête noire bâtit volontiers le sien dans les vergers voisins des habitations, au milieu d'un buisson de noisetiers ou d'aubépines. Le nid est posé à la naissance des branches, à peine à 3 pieds du sol. Il est composé à l'extérieur de mousse et d'herbes sèches et à l'intérieur de crins finement tressés. Dès qu'il est achevé, la femelle y pond 4 ou 5 œufs de marron très clair, tachetés et marbrés de brun foncé. Les deux épouses surveillent cette ponte avec une sollicitude ombrageuse. Souvent, ils se relaient pour couver, et si pendant une absence, une main indiscrète vient à toucher aux œufs, le père et la mère les abandonnent presque toujours. Je me souviens qu'étant écolier, j'avais découvert un de ces nids dans un vieux genévrier de notre jardin. Je ne pus résister à une fantaisie d'enfant. Cet âge est sans pitié. Et je dérobai l'un des jolis œufs ponctiers de brun. Le lendemain, quand je revins guetter la couveuse, je trouvai les œufs brisés et le nid abandonné. Sitôt que les petits sont éclos, le père et la mère montrent pour eux un attachement qui persiste pendant toute la saison. Ils retiennent auprès d'eux et guident jusqu'en automne les jeunes adolescents. On les voit voltiger en famille le long des lisières. Le père va en éclaireur et s'il aperçoit dans un buisson une abondante récolte de groseilles sauvages, de baies de sureau ou de bourdaine, il avertit sa maisonnée par un cri joyeux et toute la bande accourt pour faire ripaille. La mue a lieu en août. C'est alors que les jeunes mâles prennent la toge virile, ou pour parler plus exactement, c'est alors que la tête commence à se couvrir de cette calotte de plumes noires, qui est la marque distinctive de cette espèce de fauvette, et qui lui a valu en Allemagne le surnom de Mönch, moine. À l'état adulte, ce capuchon noir couvre le derrière de la tête, ainsi que le sommet, et retombe jusqu'aux yeux de l'oiseau. Le tour du cou est un gris ardoisé, plus clair à la gorge, s'éteignant sur la poitrine dans un blanc ombré de noirâtre. Le dos et les ailes sont d'un gris brun, lavés d'une faible teinte olivâtre. C'est aussi après la mue que les jeunes mâles se mettent à chanter. De tous les oiseaux de la famille, la fauvette à tête noire est celui qui a le chant le plus agréable et le plus soutenu. Il se compose d'une suite de modulations assez courtes, mais vives et fraîches. Quelques notes éclatantes se détachent nettement de cette mélodie un peu voilée, puis le tout se fond de nouveau dans un gazouillement discret. C'est bien là le langage à la fois vif et voilé des premières émotions printanières, le chant de l'adolescence de l'année. Quelque chose de tendre et d'ardent, brusquement entrecoupé de soupirs à demi étouffés. La romance n'est pas de longue haleine, Elle est brève et charmante comme les premiers beaux jours d'avril et comme ces délicates couleurs roses de l'aube qui ont un éclat si doux et qui s'effacent si vite. C'était La fauvette à tête noire par André Thuriet.